Section 9. Il y a déjà longtemps que j'aurais satisfait le lecteur si, dans le moment même où il m'aperçoit au haut du donjon de Misitra, je n'eusse fait pour mon propre compte toutes les questions que je l'entends me faire à présent. Si on a lu l'introduction à cet itinéraire, on a pu voir que je n'avais rien négligé pour me procurer sur Sparte tous les renseignements possibles. J'ai suivi l'histoire de cette ville depuis les Romains jusqu'à nous. J'ai parlé des voyageurs et des livres qui nous ont appris quelque chose de la moderne Lacédémone. Malheureusement, ces notions sont assez vagues, puisqu'elles ont fait naître deux opinions contradictoires. D'après le père Pacifique, Coronélie, le romancier Guillet, et ceux qui les ont suivis, Misitra est bâtie sur les ruines de Sparte. Et d'après Spon, Vernon, l'abbé Fourmont, le roi et Danville, les ruines de Sparte sont assez éloignées de Misitra. Il était bien clair, d'après cela, que les meilleures autorités étaient pour cette dernière opinion. Danville surtout est formel, et il paraît choqué du sentiment contraire. Le lieu, dit-il, qu'occupait cette ville, Sparte, est appelé Paléochorie, ou le vieux bourg. La ville nouvelle, sous le nom de Misitra, que l'on a tort de confondre avec Sparte, en est écartée vers le couchant. Spon, combattant la guillotière, s'exprime aussi fortement d'après le témoignage de Vernon et du consul Giraud. L'abbé Fourmont, qui a retrouvé à Sparte tant d'inscriptions, n'a pu être dans l'erreur sur l'emplacement de cette ville. Il est vrai que nous n'avons pas son voyage. Mais le roi, qui a reconnu le théâtre et le dromos, n'a pu ignorer la vraie position de Sparte. Les meilleures géographies, se conformant à ces grandes autorités, ont pris soin d'avertir que Misitra n'est point du tout Lacédémone. Il y en a même qui fixent assez bien la distance de l'une à l'autre de ces villes en la faisant d'environ 2 lieues. On voit ici, par un exemple frappant, combien il est difficile de rétablir la vérité quand une erreur est enracinée. Malgré Spon, Fourmont, le roi, Danville, etc., on s'est généralement obstiné à voir Sparte dans Misitra, et moi-même tout le premier. 2 voyageurs modernes avaient achevé de m'aveugler, Scrofani et M. Pouqueville. Je n'avais pas fait attention que celui-ci, en décrivant Misitra comme représentant Lacédémone, ne faisait que répéter l'opinion des gens du pays, et qu'il ne donnait pas ce sentiment pour le sien. Il semble même pencher, au contraire, vers l'opinion qui a pour elle les meilleures autorités. D'où je devais conclure que M. Pouqueville, exact sur tout ce qu'il a vu de ses propres yeux, avait été trompé dans ce qu'on lui avait dit de Sparte. Persuadé donc, par une erreur de mes premières études, que Misitra était Sparte, j'avais commencé à parcourir à Mycléè. Mon projet était de me débarrasser d'abord de ce qui n'était point Lacédémone, afin de donner ensuite à cette ville toute mon attention. Qu'on juge de mon embarras lorsque, du haut du château de Misitra, je m'obstinais à vouloir reconnaître la cité de Lycurgue dans une ville absolument moderne et dont l'architecture ne m'offrait qu'un mélange confus du genre oriental et des styles gothiques, grecs et italiens. Pas une pauvre petite ruine antique pour se consoler au milieu de tout cela. Encore si la vieille Sparte, comme la vieille Rome, avait levé sa tête défigurée du milieu de ces monuments nouveaux. Mais non, Sparte était renversée dans la poudre, ensevelie dans le tombeau, foulée aux pieds des Turcs, morte, morte tout entière. Je le croyais ainsi. Mon cicérone savait à peine quelques mots d'italien et d'anglais. Pour me faire mieux entendre de lui, j'essayais de méchantes phrases de grec moderne. Je barbouillais, au crayon, quelques mots de grec ancien, je parlais italien et anglais, je mêlais du français à tout cela. Joseph voulait nous mettre d'accord, il ne faisait qu'accroître la confusion. Le janissaire et le guide, espèce de juif demi-nègre, donnaient leur avis en turc et augmentaient le mal. Nous parlions tous à la fois, nous crions, nous gesticulions. Avec nos habits différents, nos langages et nos visages divers, nous avions l'air d'une assemblée de démons perchés au coucher du soleil sur la pointe de ces ruines. Les bois et les cascades du Tégète étaient derrière nous, la Laconie à nos pieds et le plus beau ciel sur notre tête. « Voilà Misitra, disais-je au cicérone. C'est Lacédémone, n'est-ce pas ? » Il me répondit, « Signor, Lacédémone, comment ?» Je vous dis, Lacédémone ou Sparte ? Sparte ? Quoi ? Je vous demande si Misitra est Sparte. Je n'entends pas. Comment, vous, Grec, vous, Lacédémonien, vous ne connaissez pas le nom de Sparte ? Sparte ? Oh oui, grande république, fameux Lycurgue. Ainsi Misitra et Lacédémone. » Le grec me fit un signe de tête affirmatif. Je fus ravi. « Maintenant, repris-je, expliquez-moi ce que je vois. Quelle est cette partie de la ville ?» Et je montrai la partie devant moi, un peu à droite. « Mais au Corion, » répondit-il. « J'entends bien, mais quelle partie était-ce de Lacédémone ?»« Lacédémone ? Quoi ?» J'étais hors de moi. « Au moins, indiquez-moi le fleuve. » Et je répétais, « Potamos, Potamos !» Mon grec me fit remarquer le torrent appelé la rivière des Juifs. « Comment c'est là, le Rotas ? Impossible ! Dites-moi où est le Vasilipotamos ?» Le cicérone fit de grands gestes et étendit le bras à droite du côté d'Amyclée. Me voilà replongé dans toutes mes perplexités. Je prononçai le nom d'Iri, et à ce nom, mon spartiate me montra la gauche à l'opposé d'Amyclée. Il fallait conclure qu'il y avait deux fleuves, l'un à droite, le Vasilipotamos, l'autre à gauche, l'Iri, et que ni l'un ni l'autre de ces fleuves ne passait à Misitra. On a vu plus haut par l'explication que j'ai donnée de ces deux noms ce qui causait mon erreur. Ainsi, disais-je en moi-même, je ne sais plus où est le Rotas, mais il est clair qu'il ne passe point à Misitra. Donc Misitra n'est point Sparte, à moins que le cours du fleuve n'ait changé et ne se soit éloigné de la ville, ce qui n'est pas du tout probable. Où est donc Sparte ? Je serais venu jusqu'ici sans avoir pu la trouver ? Je m'en retournerais sans l'avoir vue ? J'étais dans la consternation. Comme j'allais descendre du château, le grec s'écria, « Votre seigneurie demande peut-être Paléochorie. » À ce nom, je me rappelais le passage de Danville. Je m'écris à mon tour, « Oui, Paléochorie, la vieille ville, où est-elle, Paléochorie ?» « Là-bas, à Magoula, » dit le cicérone. Il me montrait au loin dans la vallée une chaumière blanche environnée de quelques arbres. Les larmes me vinrent aux yeux en fixant mes regards sur cette misérable cabane qui s'élevait dans l'enceinte abandonnée d'une des villes les plus célèbres de l'univers et qui servait seule à faire reconnaître l'emplacement de Sparte, demeure unique d'un chevrier dont toute la richesse consiste dans l'herbe qui croît sur les tombeaux d'Agis et de Léonidas. Je ne voulus plus rien voir ni rien entendre. Je descendis précipitamment du château, malgré les cris des guides qui voulaient me montrer des ruines modernes et me raconter des histoires d'Aga, de Pacha, de Cadi, de Vaïvode. Mais en passant devant l'archevêché, je trouvai des papas qui attendaient le français à la porte et qui m'invitèrent à entrer de la part de l'archevêque. Quoique j'eusse bien désiré refuser cette politesse, il n'y eut pas moyen de s'y soustraire. J'entrai donc. L'archevêque était assis au milieu de son clergé dans une salle très propre, garnie de nattes et de coussins à la manière des Turcs. Tous ces papas et leurs chefs étaient gens d'esprit et de bonne humeur. Plusieurs savaient l'italien et s'exprimaient avec facilité dans cette langue. Je leur contai ce qui venait de m'arriver au sujet des ruines de Sparte. Ils en rirent et se moquèrent du cicérone. Ils me parurent fort accoutumés aux étrangers. La Morée est en effet remplie de levantins, de francs, de ragusins, d'italiens, et surtout de jeunes médecins de Venise et des îles ioniennes qui viennent dépêcher les cadis et les agas. Les chemins sont assez sûrs, on trouve passablement de quoi se nourrir, on jouit d'une grande liberté pourvu qu'on ait un peu de fermeté et de prudence. C'est en général un voyage très facile, surtout pour un homme qui a vécu chez les sauvages de l'Amérique. Il y a toujours quelques Anglais sur les chemins du Péloponnèse. Les papas me dirent qu'ils avaient vu dans ces derniers temps des antiquaires et des officiers de cette nation. Il y a même à Misitra une maison grecque qu'on appelle l'auberge anglaise. On y mange du roast beef et l'on y boit du vin de Porto. Le voyage a sous ce rapport de grandes obligations aux Anglais. Ce sont eux qui ont établi de bonnes auberges dans toute l'Europe, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, à Constantinople, à Athènes et jusqu'aux portes de Sparte, en dépit de Lycurgue. L'archevêque connaissait le vice-consul d'Athènes, et je ne sais s'il ne me dit point lui avoir donné l'hospitalité dans les deux ou trois courses que M. Fauvel a faites à Misitra. Après qu'on m'eût servi le café, on me montra l'archevêché et l'église. Celle-ci, fort célèbre dans nos géographies, n'a pourtant rien de remarquable. La mosaïque du pavé est commune. Les peintures, vantées par Guillet, rappellent absolument les ébauches de l'école avant le Pérugin. Quant à l'architecture, ce sont toujours des dômes plus ou moins écrasés, plus ou moins multipliés. Cette cathédrale, dédiée à Saint Dimitri et non pas à la Vierge, comme on l'a dit, a pour sa part 7 de ces dômes. Depuis que cet ornement a été employé à Constantinople, dans la dégénération de l'art, il a marqué tous les monuments de la Grèce. Il n'a ni la hardiesse du gothique, ni la sage beauté de l'antique. Il est assez majestueux quand il est immense, mais alors il écrase l'édifice qui le porte. S'il est petit, ce n'est plus qu'une calotte ignoble qui ne se lie à aucun membre de l'architecture et qui s'élève au-dessus des entablements tout exprès pour rompre la ligne harmonieuse de la simèse. Je vis, dans la bibliothèque de l'archevêché, quelques traités des pères grecs, des livres de controverses et 2 ou 3 historiens de la Byzantine, entre autres Cachimère. Il eût été intéressant de collationner le texte de ce manuscrit avec les textes que nous avons, mais il aura sans doute passé sous les yeux de nos 2 grands hellénistes, l'abbé Fourmont et Danse de Villoison. Il est probable que les Vénitiens, longtemps maîtres de la Morée, en auront enlevé les manuscrits les plus précieux. Mes hôtes me montrèrent avec empressement des traductions imprimées de quelques ouvrages français. C'est, comme on le sait, le Télémaque, Rollin, etc., et des nouveautés publiées à Bucarest. Parmi ces traductions, je n'oserais dire que je trouvais Atala si M. Stamati ne m'avait fait aussi l'honneur de prêter à ma sauvage la langue d'Homère. La traduction que je vis à Misitra n'était pas achevée. Le traducteur était un Grec, natif de Zante. Il s'était trouvé à Venise lorsque Atala y parut en italien, et c'était sur cette traduction qu'il avait commencé la sienne en grec vulgaire. Je ne sais si je cachais mon nom par orgueil ou par modestie, mais ma petite gloriole d'auteur fut si satisfaite de se rencontrer auprès de la grande gloire de Lacédémone que le portier de l'archevêché eut lieu de se louer de ma générosité. C'est une charité dont j'ai fait depuis pénitence. Il était nuit quand je sortis de l'archevêché. Nous traversâmes la partie la plus peuplée de Misitra, nous passâmes dans le bazar indiqué dans plusieurs descriptions comme devant être l'agora des anciens, supposant toujours que Misitra est Lacédémone. Ce bazar est un mauvais marché, pareil à ces halles que l'on voit dans nos petites villes de province. De chétives boutiques de châles, de merceries, de comestibles en occupent les rues. Ces boutiques étaient alors occupées par des lampes de fabrique italienne. On me fit remarquer, à la lueur de ces lampes, 2 maniottes qui vendaient des sèches et des polypes de mer appelés à Naples frutti di mare. Ces pêcheurs, d'une assez grande taille, ressemblaient à des paysans franc-comtois. Je ne leur trouvais rien d'extraordinaire. J'achetai d'eux un chien du Téget. Il était de moyenne taille, le poil fauve et rude, le nez très court, l'air sauvage. Fulvius Lacon amica vis pastoribus. Je l'avais nommé Argus. Ulysse en fit autant. Malheureusement, je le perdis quelques jours après, sur la route entre Argos et Corinthe. Nous vîmes passer plusieurs femmes, enveloppées dans leurs longs habits. Nous nous détournions pour leur céder le chemin, selon une coutume de l'Orient qui tient à la jalousie plus qu'à la politesse. Je ne pus découvrir leur visage. Je ne sais donc s'il faut dire encore Sparte aux belles femmes, d'après Homère, Caligui Naïka. Je rentrai chez Ibrahim après 13 heures de course, pendant lesquelles je ne m'étais reposé que quelques moments. Outre que je supporte la fatigue, le soleil et la faim, j'ai observé qu'une vive émotion me soutient contre la lassitude et me donne de nouvelles forces. Je suis convaincu d'ailleurs, et plus que personne, qu'une volonté inflexible surmonte tout et l'emporte même sur le temps. Je me décidai à ne point me coucher, à profiter de la nuit pour écrire des notes, à me rendre le lendemain aux ruines de Sparte et à continuer de là mon voyage sans revenir à Misitra. Je dis adieu à Ibrahim. J'ordonnai à Joseph et au guide de se rendre avec leurs chevaux sur la route d'Argos et de m'attendre sur ce pont de l'Eurotas que nous avions déjà passé en venant de Tripolitsa. Je ne gardais que le janissaire pour m'accompagner aux ruines de Sparte. Si j'avais même pu me passer de lui, je serais allé seul à Magoula, car j'avais éprouvé combien des subalternes qui s'impatientent et s'ennuient vous gênent dans les recherches que vous voulez faire. Tout étant réglé de la sorte, le 18, une demi-heure avant le jour, je montai à cheval avec le janissaire. Je récompensai les esclaves du bon Ibrahim et je partis au grand galop pour la Cédémone. Il y avait déjà une heure que nous courions par un chemin uni qui se dirigeait droit au sud-est, lorsqu'au lever de l'aurore, j'aperçus quelques débris et un long mur de construction antique. Le cœur commence à me battre. Le janissaire se tourne vers moi et, me montrant sur la droite avec son fouet une cabane blanchâtre, il me crie d'un air de satisfaction « Paléochori !» Je me dirigeai vers la principale ruine que je découvrais sur une hauteur. En tournant cette hauteur par le nord-ouest, afin d'y monter, je m'arrêtai tout à coup à la vue d'une vaste enceinte, ouverte en demi-cercle, et que je reconnus à l'instant pour un théâtre. Je ne pus peindre les sentiments confus qui vinrent m'assiéger. La colline au pied de laquelle je me trouvais était donc la colline de la citadelle de Sparte, puisque le théâtre était adossé à la citadelle. La ruine que je voyais sur cette colline était donc le temple de Minerve Calciécos, puisque celui-ci était dans la citadelle. Les débris et le long du mur que j'avais passé plus bas faisaient donc partie de la tribu des Cynosures, puisque cette tribu était au nord de la ville. Sparte était donc sous mes yeux, et son théâtre, que j'avais eu le bonheur de découvrir en arrivant, me donnait sur-le-champ les positions des quartiers et des monuments. Je mis pied à terre, et je montai en courant sur la colline de la citadelle. Comme j'arrivais à son sommet, le soleil se levait derrière les monts Ménélaïon. Quel beau spectacle ! Mais qu'il était triste ! Le Rotas coulant solitaire sous les débris du pont Babix, des ruines de toutes parts, et pas un homme parmi ces ruines. Je restai immobile, dans une espèce de stupeur, à contempler cette scène. Un mélange d'admiration et de douleur arrêtait mes pas et ma pensée. Le silence était profond autour de moi. Je voulus du moins faire parler l'écho dans des lieux où la voix humaine ne se faisait plus entendre, et je criai de toute ma force « Léonidas !» Aucune ruine ne répéta ce grand nom, et Sparte même me sembla l'avoir oublié. Si des ruines où s'attachent des souvenirs illustres font bien voir la vanité de tout ici-bas, il faut pourtant convenir que les noms qui survivent à des empires et qui immortalisent des temps et des lieux sont quelque chose. Après tout, ne dédaignons pas trop la gloire. Rien n'est plus beau qu'elle, si ce n'est la vertu. Le comble du bonheur serait de réunir l'une à l'autre dans cette vie, et c'était l'objet de l'unique prière que les Spartiates adressaient aux dieux. Ut pulchra bonis aderent. Quand l'espèce de trouble où j'étais fut dissipée, je commençai à étudier les ruines autour de moi. Le sommet de la colline offrait un plateau environné, surtout au nord-ouest, d'épaisses murailles. J'en fis deux fois le tour et je comptai 1560 et 1566 pas communs, ou à peu près 780 pas géométriques. Mais il faut remarquer que j'embrasse dans ce circuit le sommet entier de la colline, y compris la courbe que forme l'excavation du théâtre dans cette colline. C'est ce théâtre que le roi a examiné. Des décombres, partie ensevelie sous terre, partie élevée au-dessus du sol, annonce vers le milieu de ce plateau les fondements du temple de Minerve Calciécos, où Pausanias se réfugia vainement et perdit la vie. Une espèce de rampe en terrasse, large de 70 pieds et d'une pente extrêmement douce, descend du midi de la colline dans la plaine. C'était peut-être le chemin par où l'on montait à la citadelle, qui ne devint très forte que sous les tyrans de la Cédémone. À la naissance de cette rampe et au-dessus du théâtre, je vis un petit édifice de forme ronde, aux trois quarts détruit. Les niches intérieures en paraissent également propres à recevoir des statues ou des urnes. Est-ce un tombeau ? Est-ce le temple de Vénus armé ? Ce dernier devait être à peu près dans cette position et dépendant de la tribu des Égides. César, qui prétendait descendre de Vénus, portait sur son anneau l'empreinte d'une Vénus armée. C'était en effet le double emblème des faiblesses et de la gloire de ce grand homme. Vincere si possum nuda, quid arma gerens. Si l'on se place avec moi sur la colline de la citadelle, voici ce qu'on verra autour de soi. Au levant, c'est-à-dire vers le Rotas, un monticule de forme allongée et aplatie à sa cime, comme pour servir de stade ou d'hippodrome. Des deux côtés de ce monticule, entre deux autres monticules qui font avec le premier deux espèces de vallées, on aperçoit les ruines du pont Babix et le cours de l'Eurotas. De l'autre côté du fleuve, la vue est arrêtée par une chaîne de collines rougeâtres. Ce sont les monts Ménélaïons. Derrière ces monts s'élève la barrière des hautes montagnes qui bordent au loin le golfe d'Argos. Dans cette vue à l'est, entre la citadelle et le Rotas, en portant les yeux nord et sud par l'est, parallèlement au cours du fleuve, on placera la tribu des Limnates, le temple de Lycurgue, le palais du roi des Marates, la tribu des Égides et celle des Messoates, un des Lesqués, le monument de Cadmus, les temples d'Hercule, d'Hélène et le Plataniste. J'ai compté dans ce vaste espace 7 ruines debout et hors de terre, mais tout à fait informes et dégradées. Comme je pouvais choisir, j'ai donné à l'un de ces débris le nom du temple d'Hélène, à l'autre celui du tombeau d'Alcmon. J'ai cru voir les monuments héroïques d'Égée et de Cadmus. Je me suis déterminé ainsi pour la fable et n'ai reconnu pour l'histoire que le temple de Lycurgue. J'avoue que je préfère, au brouet noir et à la cryptie, la mémoire du seul poète que Lacédémone ait produit et la couronne de fleurs que les filles de Sparte cueillirent pour Hélène dans l'île du Plataniste. O ubi campi spercius et virginibus bacata lacaenis taigeta. En regardant maintenant vers le nord, et toujours du sommet de la citadelle, on voit une assez haute colline qui domine même celle où la citadelle est bâtie, ce qui contredit le texte de Pausanias. C'est dans la vallée que forment ces deux collines que devait se trouver la place publique et les monuments que cette dernière renfermait, tels que le sénat des Gérontes, le chœur, le portique des Perses, etc. Il n'y a aucune ruine de ce côté. Au nord-ouest s'étendait la tribu des Cynosures, par où j'étais entré à Sparte et où j'ai remarqué le long mur. Tournons-nous à présent à l'ouest, et nous apercevrons, sur un terrain uni, derrière et au pied du théâtre, trois ruines, dont l'une est assez haute et arrondie comme une tour. Dans cette direction se trouvait la tribu des Pitanates, le Théomélide, les tombeaux de Pausanias et de Léonidas, le Lesqué des Crotanes et le temple de Dionysora. Enfin, si l'on ramène ses regards au midi, on verra une terre inégale, que soulèvent çà et là des racines de murs rasés au niveau du sol. Il faut que les pierres en aient été emportées, car on ne les aperçoit point alentour. La maison de Ménélas s'élevait dans cette perspective, et plus loin sur le chemin d'Amyclée, on rencontrait le temple des Dioscures et des Grâces. Cette description deviendra plus intelligible si le lecteur veut avoir recours à Pausanias ou simplement au voyage d'Anacharsis. Tout cet emplacement de Lacédémone est un culte. Le soleil embrase en silence et dévore incessamment le marbre des tombeaux. Quand je vis ce désert, aucune plante n'en décorait les débris, aucun oiseau, aucun insecte ne les animait, hors des millions de lézards qui montaient et descendaient sans bruit le long des murs brûlants. Une douzaine de chevaux à demi-sauvages paissaient çà et là une herbe flétrie. Un pâtre cultivait dans un coin du théâtre quelques pastèques, et à Magoula, qui donne son triste nom à Lacédémone, on remarquait un petit bois de cyprès. Mais ce Magoula même, qui fut autrefois un village turc assez considérable, a péri dans ce champ de mort. Ses masures sont tombées, et ce n'est plus qu'une ruine qui annonce des ruines. Je descendis la citadelle, et je marchai pendant un quart d'heure pour arriver à l'Eurotas. Je le vis à peu près tel que je l'avais passé deux lieues plus haut sans le connaître. Il peut avoir devant Sparte la largeur de la Marne au-dessus de Charenton. Son lit, presque desséché en été, présente une grève semée de petits cailloux, plantés de roseaux et de lauriers roses, et sur laquelle coulent quelques filets d'une eau fraîche et limpide. Cette eau me parut excellente. J'en bus abondamment, car je mourais de soif. Le Rotas mérite certainement l'épithète de « Calydonax » au beau roseau que lui a donné Euripide, mais je ne sais s'il doit garder celle d'Olorifère, car je n'ai point aperçu de cygne dans ses eaux. Je suivis son cours, espérant rencontrer ces oiseaux qui, selon Platon, ont avant d'expirer une vue de l'Olympe, et c'est pourquoi leur dernier chant est si mélodieux. Mes recherches furent inutiles. Apparemment que je n'ai pas, comme Horace, la faveur des Tindarides et qu'ils n'ont pas voulu me laisser pénétrer le secret de leur berceau. Les fleuves fameux ont la même destinée que les peuples fameux. D'abord ignorés, puis célébrés sur toute la terre, ils retombent ensuite dans leur première obscurité. L'Eurotas, appelé d'abord Himer, coule maintenant sous le nom d'Iri, comme le Tibre, autrefois l'Albula, porte aujourd'hui à la mer les eaux inconnues du Téver. J'examinais les ruines du pont Babix, qui sont peu de chose. Je cherchais l'île du Plataniste, et je crois l'avoir trouvée au-dessous même de Magoula. C'est un terrain de forme triangulaire, dont un côté est baigné par l'Eurotas, et dont les deux autres côtés sont fermés par des fossés pleins de joncs où coule pendant l'hiver la rivière de Magoula, l'ancien Knaxion. Il y avait dans cette île quelques mûriers et des sycomores, mais point de platanes. Je n'aperçus rien qui prouvât que les Turcs fissent encore de cette île un lieu de délices. Je vis cependant quelques fleurs, entre autres des lys bleus portés par une espèce de glaïeul. J'en cueillis plusieurs en mémoire d'Hélène. La fragile couronne de la beauté existe encore sur les bords de l'Eurotas, et la beauté même a disparu. La vue dont on jouit en marchant le long de l'Eurotas est bien différente de celle que l'on découvre du sommet de la citadelle. Le fleuve suit un lit tortueux et se cache, comme je l'ai dit, parmi des roseaux et des lauriers roses, aussi grands que des arbres. Sur la rive gauche, les monts Ménélaïon, d'un aspect aride et rougeâtre, forment contraste avec la fraîcheur et la verdure du cours de l'Eurotas. Sur la rive droite, le Tégète déploie son magnifique rideau. Tout l'espace compris entre ce rideau et le fleuve est occupé par les collines et les ruines de Sparte. Ces collines et ces ruines ne paraissent point désolées, comme lorsqu'on les voit de près. Elles semblent au contraire teintes de pourpre, de violet, d'or pâle. Ce ne sont point les prairies et les feuilles d'un vert cru et froid qui font les admirables paysages. Ce sont les effets de la lumière. Voilà pourquoi les roches et les bruyères de la baie de Naples seront toujours plus belles que les vallées les plus fertiles de la France et de l'Angleterre. Ainsi, après des siècles d'oubli, ce fleuve qui vit errer sur ses bords les lacédémoniens illustrés par Plutarque, ce fleuve, dis-je, s'est peut-être réjoui dans son abandon d'entendre retentir autour de ses rives les pas d'un obscur étranger. C'était le 18 août 1806, à 9 heures du matin, que je fis seul le long de l'Eurotas cette promenade qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Si je hais les mœurs des Spartiates, je ne méconnais point la grandeur d'un peuple libre, et je n'ai point foulé sans émotion sa noble poussière. Un seul fait suffit à la gloire de ce peuple. Quand Néron visita la Grèce, il n'osa entrer dans Lacédémone. Quel magnifique éloge de cette cité! Je retournai à la citadelle en m'arrêtant à tous les débris que je rencontrais sur mon chemin. Comme Isitra a vraisemblablement été bâtie avec les ruines de Sparte, cela sans doute aura beaucoup contribué à la dégradation des monuments de cette dernière ville. Je trouvai mon compagnon exactement dans la même place où je l'avais laissé. Il s'était assis, il avait dormi. Il venait de se réveiller, il fumait, il allait dormir encore, les chevaux paissaient paisiblement dans les foyers du roi Ménélas. Hélène n'avait point quitté sa belle quenouille chargée d'une laine teinte en pourpre pour leur donner un pur froment dans une superbe crèche. Aussi, tout voyageur que je suis, je ne suis point le fils d'Ulysse, quoique je préfère comme Télémaque mes rochers paternels au plus beau pays. Il était midi. Le soleil dardait à plomb ses rayons sur nos têtes. Nous nous mîmes à l'ombre dans un coin du théâtre et nous mangeâmes d'un grand appétit du pain et des figues sèches que nous avions apportées de Misitra. Joseph s'était emparé du reste des provisions. Le janissaire se réjouissait. Il croyait en être quitte et se préparait à partir. Mais il vit bientôt, à son grand déplaisir, qu'il s'était trompé. Je me mis à écrire des notes et à prendre la vue des lieux. Tout cela dura 2 grandes heures, après quoi je voulus examiner le monument à l'ouest de la citadelle. C'était de ce côté que devait être le tombeau de Léonidas. Le janissaire m'accompagna, tirant les chevaux par la bride. Nous allions, errant de ruine en ruine. Nous étions les deux seuls hommes vivants, au milieu de tant de morts illustres. tous deux barbares, étrangers l'un à l'autre ainsi qu'à la Grèce, sortis des forêts de la Gaule et des rochers du Caucase, nous nous étions rencontrés au fond du Péloponnèse, moi pour passer, lui pour vivre sur les tombeaux qui n'étaient pas ceux de nos aïeux. J'interrogeai vainement les moindres pierres pour leur demander les cendres de Léonidas. J'eus pourtant un moment d'espoir. Près de cette espèce de tour que j'ai indiquée à l'ouest de la citadelle, je vis des débris de sculptures qui me semblèrent être ceux d'un lion. Nous savons, par Hérodote, qu'il y avait un lion de pierre sur le tombeau de Léonidas, circonstance qui n'est pas rapportée par Pausanias. Je redoublai d'ardeur, tous mes soins furent inutiles. Je ne sais si c'est dans cet endroit que l'abbé Fourmont fit la découverte de trois monuments curieux. L'un était un cippe, sur lequel était gravé le nom de Jérusalem. Il s'agissait peut-être de cette alliance des Juifs et des Lacédémoniens dont il est parlé dans les Maccabées. Les deux autres monuments étaient des inscriptions sépulcrales de Lysander et d'Agésilas. Un Français devait naturellement retrouver le tombeau de deux grands capitaines. Je remarquerai que c'est à mes compatriotes que l'Europe doit les premières notions satisfaisantes qu'elle ait eues sur les ruines de Sparte et d'Athènes. Des haies, envoyées par Louis XIII à Jérusalem, passa vers l'an 1629 à Athènes. Nous avons son voyage, que Chandler n'a pas connu. Le père Babin, jésuite, donna en 1672 sa relation de l'état présent de la ville d'Athènes. Cette relation fut rédigée par Spon avant que ce sincère et habile voyageur eût commencé ses courses avec Weller. L'abbé Fourmont et le roi ont répandu les premiers des lumières certaines sur la Laconie, quoique, à la vérité, Vernon eût passé à Sparte avant eux. Mais on n'a qu'une seule lettre de cet Anglais. Il se contente de dire qu'il a vu Lacédémone et il n'entre dans aucun détail. Pour moi, j'ignore si mes recherches passeront à l'avenir, mais du moins j'aurais mêlé mon nom au nom de Sparte qui peut seul le sauver de l'oubli. J'aurais, pour ainsi dire, retrouvé cette cité immortelle en donnant sur ses ruines des détails jusqu'ici inconnus. Un simple pêcheur, par naufrage ou par aventure, détermine souvent la position de quelques écueils qui avaient échappé aux soins des pilotes les plus habiles. Il y avait à Sparte une foule d'autels et de statues, consacrés au sommeil, à la mort, à la beauté, Vénus Morpho, divinité de tous les hommes, à la peur sous les armes, apparemment celle que les Lacédémoniens inspiraient aux ennemis. Rien de tout cela n'est resté, mais je lus sur une espèce de socle ces quatre lettres L, A, S, M. Faut-il rétablir Gélasma ? Serait-ce le piédestal de cette statue du rire que Lycurgue plaça chez les graves descendants d'Hercule ? L'autel du rire, subsistant seul au milieu de Sparte enseveli, offrirait un beau sujet de triomphe à la philosophie de Démocrite. Le jour finissait lorsque je m'arrachais à ces illustres débris, à l'ombre de Lycurgue, au souvenir des Thermopyles et à tous les mensonges de la fable et de l'histoire. Le soleil disparut derrière le Tégète, de sorte que je le vis commencer et finir son tour sur les ruines de Lacédémone. Il y avait 3543 ans qu'il s'était levé et couché pour la première fois sur cette ville naissante. Je partis, l'esprit rempli des objets que je venais de voir et livré à des réflexions intarissables. De pareilles journées font ensuite supporter patiemment beaucoup de malheurs et rendent surtout indifférents à bien des spectacles. Nous remontâmes le cours de l'Eurotas pendant une heure et demie au travers des champs et nous montâmes dans le chemin de Tripolitsa, Joseph et le guide s'étant campés de l'autre côté de la rivière auprès du pont. Ils avaient allumé du feu avec des roseaux, en dépit d'Apollon, que le gémissement de ces roseaux consolait de la perte de Daphné. Joseph s'était abondamment pourvu du nécessaire. Il avait du sel, de l'huile, des pastèques, du pain et de la viande. Il prépara un gigot de mouton, comme le compagnon d'Achille, et me le servit sur le coin d'une grande pierre avec du vin de la vigne d'Ulysse et de l'eau de l'Eurotas. J'avais justement pour trouver ce souper excellent ce qui manquait à Denis pour sentir le mérite du brouet noir. Après le souper, Joseph apporta ma selle qui me servait ordinairement d'oreiller. Je m'enveloppais dans mon manteau et je me couchais au bord de l'Orotas sous un laurier. La nuit était si pure et si sereine que la voie lactée formait comme une aube réfléchie par l'eau du fleuve et à la clarté de laquelle on aurait pu lire. Je m'endormis, les yeux attachés au ciel, ayant précisément au-dessus de ma tête la belle constellation du cygne de Léda. Je me rappelle encore le plaisir que j'éprouvais autrefois à me reposer ainsi dans les bois de l'Amérique, et surtout à me réveiller au milieu de la nuit. J'écoutais le bruit du vent dans la solitude, le bramement des daims et des cerfs, le mugissement d'une cataracte éloignée, tandis qu'à mon bûcher à demi éteint rougissait en dessous le feuillage des arbres. J'aimais jusqu'à la voix de l'Iroquois lorsqu'il élevait un cri du sein des forêts, et qu'à la clarté des étoiles, dans le silence de la nature, il semblait proclamer sa liberté sans bornes. Tout cela plaît à 20 ans, parce que la vie se suffit pour ainsi dire à elle-même, et qu'il y a dans la première jeunesse quelque chose d'inquiet et de vague qui nous porte incessamment aux chimères, ipsi sibi somnia fingunt. Mais, dans un âge plus mûr, l'esprit revient à des goûts plus solides. Il veut surtout se nourrir des souvenirs et des exemples de l'histoire. Je dormirais encore volontiers au bord de l'Orotas ou du Jourdain si les ombres héroïques des 300 Spartiates et les 12 fils de Jacob devaient visiter mon sommeil. Mais je n'irai plus chercher une terre nouvelle qui n'a point été déchirée par le soc de la charrue. Il me faut à présent de vieux déserts qui me rendent à volonté les murs de Babylone ou les légions de Pharsale, Grandia Ossa, des champs dont les sillons m'instruisent et où je retrouve, homme que je suis, le sang, les larmes et les sueurs de l'homme. Joseph me réveilla le 19 à 3 heures du matin, comme je le lui avais ordonné. Nous sellâmes nos chevaux et nous partîmes. Je tournai la tête vers Sparte et je jetai un dernier regard sur l'Orotas. Je ne pouvais me défendre de ce sentiment de tristesse qu'on éprouve en présence d'une grande ruine et en quittant des lieux qu'on ne reverra jamais. Le chemin qui conduit de la Laconie dans l'Argolide était dans l'Antiquité ce qu'il est encore aujourd'hui, un des plus rudes et des plus sauvages de la Grèce. Nous suivîmes pendant quelque temps la route de Tripolitsa, puis tournant au levant, nous nous enfonçâmes dans des gorges de montagnes. Nous marchions rapidement dans des ravines et sous les arbres qui nous obligeaient de nous coucher sur le cou de nos chevaux. Je frappai si rudement de la tête contre une branche de ces arbres que je fus jeté à 10 pas sans connaissance. Quand mon cheval continuait de galoper, mes compagnons de voyage qui me devançaient ne s'aperçurent pas de ma chute. Leurs cris, quand ils revinrent à moi, me tirèrent de mon évanouissement. À 4 heures du matin, nous parvîmes au sommet d'une montagne où nous laissâmes reposer nos chevaux. Le froid devint si piquant que nous fûmes obligés d'allumer un feu de bruyère. Je ne pus assigner de nom à ce lieu peu célèbre dans l'Antiquité, mais nous devions être vers les sources du Leenus, dans la chaîne du mont Eva, et peu éloignés de Prasiae, sur le golfe d'Argos. Nous arrivâmes à midi à un gros village appelé Saint-Paul, assez voisin de la mer. On n'y parlait que d'un événement tragique qu'on s'empressa de nous raconter. Une fille de ce village, ayant perdu son père et sa mère, et se trouvant maîtresse d'une petite fortune, fut envoyée par ses parents à Constantinople. À 18 ans, elle revint dans son village. Elle parlait le turc, l'italien et le français. Et quand il passait des étrangers à Saint-Paul, elle les recevait avec une politesse qui fit soupçonner sa vertu. Les chefs des paysans s'assemblèrent. Après avoir examiné entre eux la conduite de l'orpheline, ils résolurent de se défaire d'une fille qui déshonorait le village. Ils se procurèrent d'abord la somme fixée en Turquie pour le meurtre d'une chrétienne. Ensuite, ils entrèrent pendant la nuit chez la jeune fille, l'assommèrent. Et un homme qui attendait la nouvelle de l'exécution alla porter au pacha le prix du sang. Ce qui mettait en mouvement tous ces Grecs de Saint-Paul, ce n'était pas l'atrocité du pacha, car celui-ci, qui trouvait aussi l'action toute simple et qui convenait avoir reçu la somme fixée pour un assassinat ordinaire, observait pourtant que la beauté, la jeunesse, la science, les voyages de l'orpheline lui donnaient à lui, pacha de Morée, de juste droit à une indemnité. En conséquence, sa seigneurie avait envoyé le jour même 2 janissaires pour demander une nouvelle contribution. Le village de Saint-Paul est agréable. Il est arrosé de fontaines ombragées de pins de l'espèce sauvage, Pinus sylvestris. Nous y trouvâmes un de ces médecins italiens qui courent toute la Morée. Je me fis tirer du sang, je mangeai d'excellent lait dans une maison fort propre, ressemblant assez à une cabane suisse. Un jeune moraïte vint s'asseoir devant moi, il avait l'air de Méléagre par la taille et le vêtement. Les paysans grecs ne sont point habillés comme les Grecs levantins que nous voyons en France. Ils portent une tunique qui leur descend jusqu'aux genoux et qu'ils rattachent avec une ceinture. Leurs larges culottes sont cachées par le bas de cette tunique. Ils croient sur leurs jambes nues les bandes qui retiennent leurs sandales. À la coiffure près, ce sont absolument d'anciens Grecs sans manteau. Mon nouveau compagnon, assis comme je l'ai dit devant moi, surveillait mes mouvements avec une extrême ingénuité. Il ne disait pas un mot et me dévorait des yeux. Il avançait la tête pour regarder jusque dans le vase de terre où je mangeais mon lait. Je me levai, il se leva, je me rassis, il s'assit de nouveau. Je lui présentai un cigare, il fut ravi et me fit signe de fumer avec lui. Quand je partis, il courut après moi pendant une demi-heure, toujours sans parler et sans qu'on pût savoir ce qu'il voulait. Je lui donnai de l'argent, il le jeta. Le janissaire voulut le chasser, il voulut battre le janissaire. J'étais touché, je ne sais pourquoi, peut-être en me voyant, moi, barbare civilisé, l'objet de la curiosité d'un Grec devenu barbare. Nous étions partis de Saint-Paul à 2 heures de l'après-midi, après avoir changé de chevaux, et nous suivions le chemin de l'ancienne seigneurie. Vers les 4 heures, le guide nous cria que nous allions être attaqués. En effet, nous aperçûmes quelques hommes armés dans la montagne. Ils nous regardèrent longtemps et nous laissèrent tranquillement passer. Nous entrâmes dans les monts Parthenius et nous descendîmes au bord d'une rivière dont le cours nous conduisit jusqu'à la mer. On découvrait la citadelle d'Argos, nos plis en face de nous, et les montagnes de la Corinthie vers Mycène. Du point où nous étions parvenus, il y avait encore 3 heures de marche jusqu'à Argos. Il fallait tourner le fond du golfe en traversant le marais de Lerne qui s'étendait entre la ville et le lieu où nous nous trouvions. Nous passâmes auprès du jardin d'Ahaga où je remarquai des peupliers de Lombardie mêlés à des cyprès, à des citronniers, à des orangers et à une foule d'arbres que je n'avais point vus jusqu'alors en Grèce. Peu après, le guide se trompa de chemin et nous nous trouvâmes engagés sur d'étroites chaussées qui séparaient de petits étangs et des rizières inondées. La nuit nous surprit au milieu de cet embarras. Il fallait à chaque pas faire sauter de larges fossés à nos chevaux qu'effrayait l'obscurité, le croassement d'une multitude de grenouilles et les flammes violettes qui couraient sur le marais. Le cheval du guide s'abattit et comme nous marchions à la file, nous trébuchâmes les uns sur les autres dans un fossé. Nous crions tous à la fois sans nous entendre. L'eau était assez profonde pour que les chevaux puissent y nager et s'y noyer avec leur maître. Ma saignée s'était rouverte et je souffrais beaucoup de la tête. Nous sortîmes enfin miraculeusement de ce bourbier, mais nous étions dans l'impossibilité de gagner Argos. Nous aperçûmes à travers les roseaux une petite lumière, nous nous dirigeâmes de ce côté, mourant de froid, couverts de boue, tirant nos chevaux par la bride et courant le risque à chaque pas de nous replonger dans quelque fondrière. La lumière nous guida à une ferme située au milieu du marais, dans le voisinage du village de Lerne. On venait d'y faire la moisson. Les moissonneurs étaient couchés sur la terre. Ils se levaient sous nos pieds et s'enfuyaient comme des bêtes fauves. Nous parvînmes à les rassurer et nous passâmes le reste de la nuit avec eux sur un fumier de brebis, lieu le moins sale et le moins humide que nous pûmes trouver. Je serais en droit de faire une querelle à Hercule qui n'a pas bien tué l'hydre de Lerne, car je gagnais dans ce lieu malsain une fièvre qui ne me quitta tout à fait qu'en Égypte. Fin de la section 9.